Join me on RIG. R-I-G. Oh, la marche, c'est vachement toujours de Nexno. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Ça a été très très juste pour moi. Pris dans les bouchons bordelais, j'ai failli arriver en retard. Vraiment, là je suis à peine arrivé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver dans le réseau, enfin plutôt dans le groupe La Saga des Fab Four, bien entendu. Également sur bacaclub.com, dans l'espace La Saga des Fab Four, ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Essayez, vous allez voir. S-A-G-A-F-A-B-F-O-U-R. Voilà. Et donc l'album de la semaine pour cette 337e édition de la saga des Fab Four. L'album de la semaine, c'est À la vitesse du son de Paul McCartney en 1975. Autrement dit, At the Speed of Sound. On écoutera Let Them In. On écoutera She's My Baby. Beware My Love. Silly Love Song. Celle-là, on ne pouvait pas la manquer. Warm and Beautiful. Et on terminera avec Sam Ferriane. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Instant Karma, un single en 1970, mais également vous le retrouvez sur le John Lennon Collection, sorti en 1989. George Harrison nous chantera Be Here Now sur Living in a Material World en 1973. Et puis Ringo Starr, ce sera le tube, enfin la chanson très très sympa de 1974, All By Myself sur Goodnight Vienna. Pour les Beatles, ce sera George Harrison qui chantera avec ses copains les Beatles You Like Me Too Much, et il se trouve que I Like You, donc c'est très bien, sur l'album Help en 1965. Voilà pour le programme, j'espère que tout va bien pour vous. Ici il fait chaud dans ce studio, ça doit être la chaleur de l'accueil, ça doit être vous savoir là, ça me fait du bien, ça me donne chaud au cœur. Allez, on va commencer. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent tout de suite à 20h sur RIG. C'est 90.7 pour la bande FM et c'est www.rigfm.fr pour le reste du monde. Vous nous retrouvez sur TuneIn et sur d'autres vecteurs. Je vous laisse choisir, vous tapez RIG et vous tapez surtout éventuellement la saga des Fab Four et vous nous trouvez. Et puis éventuellement, vous pouvez toujours sonner à la porte et à ce moment-là, je vous dirai Let them in. Voici Paul McCartney sur RIG. answer till I'm done. Uncle Ernie, Auntie Jean, open the door, let me in. Oh yeah. Oh, I'm knocking at the door, somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Ooh, yeah, yeah, let him in now.

wonder what happens and who's taking who for a ride. Don't you know I'm bound? I'm bound to pick up the pieces and watch them land. Some new friends. Besoin de personne, je fais tout moi-même. C'est le thème de la chanson. Ringo Starr avec le grand robot, vous savez, celui de Le jour où la Terre s'arrêta. Il y a une image où on voit l'extraterrestre qui fait un signe probablement de paix, la main levée, avec un grand robot à côté. Eh bien, il a enlevé la tête de l'acteur qui faisait le signe et il l'a mis sa tête à lui. Donc, Goodnight Vienna, il vient de l'espace, Ringo Starr. Ceci explique peut-être cela. Voici les Beatles, mais avant de parler des Beatles, nous allons parler de Lovely Rita, si vous le voulez bien. C'est celle qui est à Londres et qui tient le Beatles Magazine, le Beatles Magazine que vous retrouvez sur beatlesmagazineuk.com. Si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, les tournées aussi des copains ou des albums qui parlent des copains de Ringo, John, Paul, George, le futur album là dans pas longtemps, là, les 50 ans de Sgt Pepper, le 26, c'est bientôt, hein, c'est dans, oh là là, c'est dans 9 jours. Eh bien, vous pouvez trouver des renseignements sur BeatlesMagazineUK.com, également sur les animateurs qui font des émissions de radio comme votre serviteur, comme également ceux qui le font aux États-Unis, au Canada, en Italie et plein d'autres. Il y en a même au Japon, c'est assez fabuleux. Allez-y sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et on peut lui dire à Lovely Rita, you like me too much and I like you, Lovely Rita. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight, telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true, 'cause you like me too much and I like you.

Beatles sur RIG par deux fois avec tout d'abord Girl et puis Your Mother Should Know et aussi les remarques sur Facebook. Tom qui dit vous aussi dans vos têtes, vous les voyez descendre les escaliers? Oui, sur Your Mother Should Know, bah oui, on les voit. Et puis Stella qui... non, Jacqueline, parce que Stella répète Your Mother Should Know. Et Jacqueline qui dit quelle jolie petite chanson que celle-ci, je la trouve toujours aussi fraîche alors qu'elle a 50 ans. Bah oui, mais à 50 ans, on peut être frais encore, hein, regardez-moi. One, two, three. Tiens, c'est pour vous rappeler les impôts, les amis. Taxman sur RG. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the taxman. Yeah, I'm the taxman. 5% appear too small. Be thankful I don't take it all. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. les sessions qui ont abouti à l'album Rock'n'Roll en 1975. Et pourtant, cette chanson-là n'est pas sortie officiellement à l'origine sur l'album Rock'n'Roll en 1975. Elle est sortie quelques années plus tard, 11 ans plus tard pour être exact, en 1986 sur l'album Men Love Avenue. Et depuis, je crois que sur la ressortie, la remasterisation de Rock'n'Roll, je pense qu'elle est revenue dessus. Ce qui est assez logique puisqu'elle datait des sessions de cet album-là. Mais bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson du bon rock'n'roll de George Harrison, de John Lennon qui se rappelle ses jeunes années. Nous revenons à l'album de la semaine avec une chanson que j'adore. Nous l'écouterons deux fois dans la saga des Fab Four. Je le dis tout de suite parce que sinon je vais faire de la peine à quelqu'un qui voulait une autre version. Mais nous écoutons d'abord la version de l'album, la version de l'album At the Speed of Sound. Voici Beware My Love sur RG. this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Ringo Starr déchaîné sur RG, c'était très tôt, c'était en 1963 sur l'album With the Beatles. Et ça, c'est en 1970 sur All Things Just Pass, Run Off the Mill. C'est George Harrison qui chante. Bien entendu, vous êtes sur RG. RG, c'est 90.7 pour la FM ou www.rgfm.fr. George Harrison à l'instant sur RIG dans les années 70. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four, l'émission sur les Beatles qui existe depuis 1984. Vous ne rêvez pas, c'est la 33e année de la saga des Fab Four et j'espère qu'on va continuer, qu'on fêtera les 40 ans, qu'on fêtera les 50 ans, on peut peut-être en rêver. On sait jamais. En tout cas, tant que vous êtes là, moi je continue aussi. Voici John Lennon sur RIG, une version différente de celle que vous connaissez probablement, celle de l'album Double Fantasy. Celle-ci, elle est sur la bande originale d'un film. Le film s'appelle... c'est déjà parti. Le film, j'ai juste frôlé. Le film s'appelle Funny People. Voici Watching the Wheels, acoustique sur RIG. People say I'm crazy. People say I'm crazy. Kinds of warnings, save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy. Advice designed to enlighten me. Tell them that I'm doing fine, watching the shadows on the wall. Oh, don't you miss the big time, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here making the wheels. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est At the Speed of Sound, sorti en 1975. Et ce titre que tout le monde connaît, qui a eu pour base simplement un journaliste qui lui a dit « Vous en avez pas marre de faire ces petites, stupides petites chansons d'amour ?» Mais à partir de là, il en a composé un tube. Silly Love Songs sur RIG. it doesn't come at all. I only know that when I'm in it, it isn't silly. Love isn't silly. Love isn't silly at mal à ça. Aucun mal à ça, Paul. Tu nous chantes cette chanson, comme dit Tom, avec un vrai orchestre quand tu veux, parce que vraiment, c'est une très, très, très, très belle chanson. Nous arrivons à la cover. Vous savez, la cover, c'est la chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, ou les Beatles, qu'un artiste reprend ou que vous pouvez reprendre également. Si vous nous faites une bonne version d'une chanson qu'ils ont chantée, bien je la passerai si vous me faites profiter, évidemment. Et ça peut être aussi les Beatles eux-mêmes qui reprennent une chanson d'un de leurs pères, comme Chuck Berry, par exemple, Little Richard, ou que sais-je. Bref, quand George Harrison chante Baltimore Oriole, c'est une reprise. Eh bien, ça peut être la cover. Voilà, à ce moment-là, on écoutera plutôt la chanson d'origine. Bref, tout ça pour vous dire que je vous ai choisi ce soir un album qui s'appelle Jazz and Beatles. C'est sorti en 2012 et c'est une femme qui s'appelle Sarah Menescal, si j'arrive à lire. Et je vous propose le titre qu'elle reprend, façon jazz, Here Comes the Sun. C'est mignon comme tout. Like years, and it's been here Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. God is a concept by which we measure our say it again. God is a concept by which we measure our pain. Yeah. Pain. Yeah. Say the dream is over.

Let's go. Endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva, et puis dans une autre chanson, ah bah waka wa posse posse. Ben c'est ça, John Lennon, capable de traits de génie, de chansons extraordinaires et aussi de chansons quelquefois un petit peu moins extraordinaires, alors que Paul McCartney, ce sont que des chansons extraordinaires. Non, mais qui vous fait croire que j'adore Paul McCartney? Je vous le prouve avec cette chanson issue de l'album At the Speed of Sound en 1975, cette belle chanson Warm and Beautiful sur RIG. Falling, a love so warm and beautiful never fades away. Love. sadness. Fait un bond dans le temps, hein. On est revenu en 2013 avec le dernier album en date, album live, enfin album studio au contraire, de Paul McCartney. C'est un album qui s'appelle New et que ben, on attend la suite pour Peut-être dans l'année, peut-être l'année prochaine. Mais un nouvel album de Paul McCartney, il travaille dessus et ce sera certainement, comme d'habitude, fabuleux. Je l'adore, cette chanson. L'original, Here Comes the Sun, George Harrison, les Beatles, sur Abbey Road. Et sur RIG, forcément, 90.7, la radio des Beatles. Here comes the sun, here comes the sun, I say, it's all right. L'album à venir, les 50 ans de Sgt Pepper. Band begins at 10 to 6. undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is humming the bill. Pas dire, hein, ça manque la version finale. Mais c'est quand même drôlement étonnant d'entendre ça 50 ans après, d'aussi bonne qualité. Allez, on se dépêche parce que le temps passe très très vite. Nous sommes en 1987 sur l'album Cloud 9 et voici That's What It Takes. Monsieur George Harrison sur RIG. On sent clairement la patte de Jeff Lynne sur ce titre. And now it begins to shine. And you found the eyes to see each little drop, the dawn of every day. Your smile, it comes back to me, and whatever you may say, don't let it stop, never. Then we might as well start to make some changes. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open. I get into that open door, but I gotta. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, c'est la saga des Fab Four. Ce soir, jusqu'à 22h, un petit peu passé, on va déborder un petit peu. Et l'album de la semaine, ce soir, c'est l'album At the Speed of Sound de Paul McCartney en 1975. Je vous propose une chanson que pendant très longtemps, je considérais comme Sunfairian. Voilà, Sunfairian, c'est tout. Ça s'appelait comme ça. Et puis un jour, j'ai lu quelque part que pour un anglais, ça ne fait rien, ça vient du français ça ne fait rien. Ah oui, il fallait y penser. Au départ, je savais pas tilté. You've got a lot. And from what you've got, I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream. And if things are what they seem, you're looking swell, dear. Ringo Starr maintenant. En 2012, il nous proposait une pléiade de titres de son cru et notamment une reprise. La chanson s'appelle Rock Island Line. Voici la version de Ringo sur RIG. Sur RIG, Ringo ne part pas avant que j'ai fini ma phrase. Allons. Jesus came to save our sins. I hope I go to heaven. Cette chanson est une reprise de Lonnie Donegan d'il y a très très longtemps. Eh bien, si on l'écoutait cette reprise, elle appartient à l'album George Harrison Jukebox. Je vous le propose. Il est sorti en 2013, cet album-là. C'est vieux, vous allez voir. Il en a fait une très bonne version, Ringo. Now, this here's a story about the Rock Island Line. The Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man. He say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, you all right, boy, just get on through. You don't have to pay me nothing. And the train go through. And when he go through the toll gate, the train get up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now I'll tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride, yes. The Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right, may be wrong. You know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride, yes. The Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. I'm safe from sin. Good Lord, call me for to see me again. Hey. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride. Yeah, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you won't ride, you gotta ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. A, B, C, W, X, Y, Z. Cat's on the cover, but he don't see me. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride, yeah. The Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you won't ride, you gotta ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, the road to ride, yeah. The Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you won't ride, you gotta ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Une chanson enregistrée par George Harrison et qui n'est jamais sortie officiellement, tiens, bah oui. Voici Martha My Dear, celle-ci date bien de 68 et est sur l'album blanc. Vous êtes bien sur la RIG, l'émission est bientôt terminée. Play.

je tiens mes promesses. Je vous avais promis la version live de Beware My Love. La voici maintenant. Je veux le son à fond, au maximum des possibilités de votre sono. Annoncez. Paul McCartney à son meilleur en 1976. Wings Over America. just a little baby boy. Because your number brought me joy, sweet joy. Ooh, I've grown to love anything since then. But I ain't never, no, no, never had you calling me. Come on and call me. On écoute McCartney en 1976. C'est difficile d'arrêter d'écouter McCartney en 1976. Une petite dernière pour la route. Allez. L'une des plus puissantes de l'album, Soilé sur RIG. running, the shoe was not in sight. Got my man about it, but all they lip were tight. The CEO, baby, standing by my home. I'm speaking to you, baby. This morning, the sea was not in sight. Yeah, my friends are funny, but I'm really put tight. The sea, he's not bad where you belong. I don't believe it. I'm speaking to you, babe. Wrong, doing it all wrong. Come on. Allez, c'est avec celle-là qu'on termine. Merci d'avoir écouté cette émission. Je me retire sur la pointe des pieds, pas d'Eric ce soir, vous l'avez bien deviné. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres aventures. À bientôt, au revoir.